les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Qui trop parle, il se méfait. C'est sur cette citation de Chrétien de Troyes que s'ouvre Pauline à la plage d'Éric Rohmer. Bavards, les personnages du film, qui se retrouvent en Normandie par une belle fin d'été, le sont tous. Chacun donne, dans l'une des toutes premières scènes, sa vision de l'amour. La belle Marion, Ariel Dombal, rêve de vivre une passion dévorante. Pierre, Pascal Grégory, croit lui à l'âme sœur. Quant à Henri, Féodor Atkin, il chérit sa liberté plus que tout. Seule Pauline, l'adolescente, se refuse à trop en dire. Elle est la plus jeune, mais se révélera être aussi la plus sage de tous. Quelques jours après la sortie du film, Éric Rohmer racontait à Claude Jean-Philippe les sources de cette histoire dans un cinéma des cinéastes diffusé pour la première fois sur France Culture le 27 mars 1983. Ce ne sont plus ceux qui cultivent les beaux-arts. Ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art, art poétique ou bien musique. Les artistes sont les acteurs, les actrices. Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma, nous dirions le ciné. Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné ni cinéma, mais cinématographe. Aussi, mon Dieu, faut-il avoir du goût. Alors, l'émission que nous enregistrons aujourd'hui est enregistrée dans un appartement, donc pas en studio. Donc si vous entendez des sirènes, des voitures... Elles sont derrière nous, la rue n'est pas loin, et voilà. Alors, nous sommes très heureux, Caroline Champetier, Pierre Donadieu et moi, d'accueillir une fois de plus Éric Rohmer, et une fois de plus, et il n'y a aucune complaisance de notre part, pour saluer un très grand film qui s'intitule Pauline à la plage, qui est évidemment le film que nous vous conseillons, et que nous vous conseillerons dans les semaines qui viennent d'aller voir absolument. Mais avec tout de même une très grande difficulté pour moi, je veux dire comme journaliste posant des questions, c'est que de plus en plus avec Éric Rohmer, on n'a vraiment pas envie de remonter à des intentions qui ont complètement disparu, qui se sont complètement effacées dans la matière même du film. Si nous aimons tant ce film, c'est que précisément c'est un film qui est tout d'attention et très peu d'intention. En tout cas, d'aucune façon théorique, d'aucune façon idéologique et morale, mais peut-être, sans doute, mais d'une façon extrêmement secrète et privée. J'ai donc du mal à poser des questions, donc je crois que le plus simple, Éric Rohmer, ce serait encore de faire ce que nous faisons ordinairement, c'est-à-dire de voir comment ce film est né en vous. D'abord, est-ce que c'était un vieux projet? Est-ce que ça a été écrit entre le film précédent, à savoir Le Beau Mariage, qui est aussi un film que nous aimons beaucoup? Ou est-ce que vous aviez déjà l'idée de celui-là au moment du Beau Mariage et au moment peut-être de La Femme de l'Aviateur? Je ne sais pas. Enfin, j'ai eu l'idée de ce film il y a très longtemps. Et d'ailleurs, mes idées sont très anciennes. Je n'avais pas dit jusqu'ici, mais l'idée de La Femme de l'Aviateur remonte, devinez, en 1946. C'est ça, alors autant de la revue du cinéma, c'est ça? Oui, c'est ça. Même la revue du cinéma de Georges Auriol. C'est très ancien. Moi. Celui-ci, disons que l'idée de celui-ci remonterait aux années 50. Donc, il est postérieur. Mais enfin, c'est simplement une idée. Une idée. Une idée des personnages. J'avais pas eu le goût de le développer, et même l'inspiration. Et l'inspiration m'est venue plus tard. Mais ce que vous appelez une idée, est-ce que c'est une feuille ou deux ou plusieurs dans un tiroir ou est-ce que, parce qu'on aimerait savoir comment... Parce qu'un jour, vous nous avez dit une chose tellement stupéfiante que nous avons fini par la croire, c'est que les scénarios pouvaient se déduire à l'ordinateur à partir d'une situation donnée. Un homme hésite entre deux femmes, on peut donc déduire le scénario de Manu Chaimot. Bon, on vous a cru, mais maintenant, on vous croit moins, compte tenu de ce que vous non, nous dites. Là. Mais en fin de compte, ce serait mon rêve et je procède peut-être un peu par ça, c'est vrai. C'est-à-dire, je suis très détaché de mes sujets, parce que mes sujets sont des sujets dont l'idée m'est venue il y a très longtemps, et ensuite, je les traite comme, peut-être, pourrait les traiter un ordinateur. Malheureusement ou heureusement, je ne suis pas tout à fait un ordinateur. Mais j'ai l'impression qu'actuellement, les comédies-proverbes s'organisent un peu de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand-chose à mettre comme données. Dans les contes moraux, il n'y avait plus de données, c'est-à-dire il y avait un thème au moins. Là, il n'y a pas de thème, mais le thème, et je suis en train de le trouver, et je m'aperçois que le fait d'avoir... filmer La femme de l'aviateur m'a permis d'enrichir les thèmes suivants, c'est-à-dire le thème du beau mariage et le thème de Pauline à la plage, et de trouver également d'autres idées qui seront probablement... D'enrichir de quelle façon les prochains films. Parce et que ben... alors, il se trouve que je les ai revus. Il se trouve que j'ai revu La femme de l'aviateur et Le beau mariage depuis leur sortie, depuis que vous étiez venu nous parler du beau mariage. Et que ce sont des films très très étonnants à revoir, hein, parce que ça c'est un premier temps comme ça, on est totalement séduit, et puis la revision de ces films est tout à fait prodigieuse. Alors moi je voudrais savoir ce qui se passe, la leçon que vous tirez de ce que vous faites. Mais la leçon qu'on tire, c'est peut-être ça, c'est la remarque suivante, j'ai fait ça, donc il faut pas le refaire, ou bien le contraire, j'ai fait ça, c'est donc une voie que je dois suivre, voilà, c'est ça, c'est-à-dire réussir à être soi-même. Mais par exemple, dans La femme de l'aviateur... Les exemples sont très difficiles à trouver. La femme de l'aviateur, si vous voulez, j'avais besoin de m'appuyer sur quelque chose qui existait déjà, parce que j'étais incapable de trouver quelque chose de nouveau, de faire sortir... absolument du néant. Je dis parfois que mes films sortent du néant, oui, mais enfin, il faut tout de même quelque chose à quoi s'accrocher. Alors, le problème que nous traitons maintenant, je crois, est capital, surtout pour le cinéma français, parce que pour le cinéma, je ne dis même pas le cinéma français, le cinéma qui souffre et qui a toujours souffert d'une crise d'inspiration. Et moi-même, j'ai toujours souffert de cette crise d'inspiration. Je pense que si je n'avais pas souffert, je n'aurais peut-être pas été cinéaste, j'aurais été écrivain. Effectivement, parce que pourquoi faire du cinéma, comme je disais à propos des contes moraux, si on peut écrire. Alors donc, après les contes moraux, je n'ai pas trouvé de sujet, et je me suis même demandé si je n'allais pas me lancer dans des sujets tout à fait différents. J'aurais pu traiter des films politiques, des films d'action, des films policiers, etc., etc. Pourquoi pas ? Dans la liste que vous donnez, il n'y a pas la comédie. La comédie... Oui, enfin, disons, parce que j'ai pas parlé de la comédie, parce que finalement, je me suis orienté vers la comédie. Mais avant de découvrir que j'avais envie de faire une certaine comédie, que ma voix était plutôt la comédie, eh bien, j'ai hésité. Et pendant que j'hésitais, j'ai d'ailleurs tourné deux films qui étaient des films inspirés d'autres œuvres, c'est-à-dire La Marquise d'O et Perceval. Et c'est peut-être la part de comédie qu'il y avait dans La Marquise d'O et dans Perceval. Le fait que le public a réagi en riant, alors que, en dépit de certaines réactions maussades, certaines personnes qui trouvaient que c'était déplacé, c'est peut-être la volonté que j'ai eue d'affirmer le côté comique de ces œuvres qui a fait que je me suis orienté peut-être d'une façon plus nette vers la comédie et que j'ai choisi ce titre de comédie et proverbe. Est-ce que l'expérience, l'âge n'entre pas en jeu dans un choix de ce genre aussi ? Est-ce que par rapport à la vie, par rapport au monde, est-ce que vous n'avez pas une plus grande distance qui autoriserait peut-être un sourire plus grand ? Je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai toujours eu un passé derrière moi. C'est-à-dire que je n'ai jamais été un tout jeune cinéaste qui n'a d'autre idée que de filmer ce qui lui arrive. Jamais. J'ai toujours eu un certain recul, c'est-à-dire j'ai eu derrière moi des choses qui avaient déjà été faites. C'est-à-dire j'avais les contes moraux et j'avais ça. C'est-à-dire ma période de jeunesse véritable en tant qu'auteur, ça a été entre 20 et 25 ans et à ce moment-là j'ai eu beaucoup d'idées. J'ai beaucoup d'idées, mais des idées peut-être que je destinais à la littérature. Et ensuite ces idées, je les ai laissées de côté, j'ai laissé ces bouts de papier dans mes tiroirs parce que parfois ce sont effectivement des bouts de papier que j'ai retrouvés et que j'avais complètement oubliés. Et j'ai traité ces histoires comme on traiterait des sujets existants qu'il faudrait adapter, mais bien adapter parce que même étaient C'est assez mince, c'est effectivement très très mince. Ah oui, ce que vous dites est très important, c'est une adaptation par rapport à soi-même, c'est-à-dire comme si l'inspiration, disons autobiographique, s'il y en a une, c'est comme si la personne que vous étiez au moment où vous les avez écrits n'était plus vous-même. C'est cela, c'est cela. Alors donc, il y a toujours une distance, il y a toujours un recul. Et il y a aussi, vous avez parlé tout à l'heure de pages, de feuilles, il y a toujours également un recul par rapport à la feuille, il y a toujours une peur, une angoisse de la page blanche, c'est-à-dire que je m'arrange à toujours recopier, c'est-à-dire que jamais je n'ai une feuille blanche sur laquelle j'écris quelque chose qui est complètement nouveau. Oui. C'est toujours du recopiage, soit recopiage de ce à quoi j'avais pensé dans les années 50 ou même 40, soit recopiage de griffonnage que je peux faire encore actuellement, mais je n'ai jamais la belle page blanche devant moi. Essayons de parler de Pauline. Donc c'était quoi? C'était trois pages, c'était trois feuillets, c'était une demi-page, c'était... Non, c'était quelques griffonnages très illisibles. D'ailleurs, j'ai eu la peine à les relire. C'était très griffonné. Et d'ailleurs, il y a 40 000 noms. C'est très curieux parce que chaque fois que je me lançais dans un nouveau griffonnage, je n'ai pas une nouvelle rédaction, je changeais le nom des personnages. Bon. Et disons que le personnage de la jeune femme qui est jouée par Ariel Dombal et qui s'appelle Marion, parce que c'est elle qui a choisi ce nom, enfin je peux le dire sans indice, ce sont les acteurs qui ont choisi leur nom. Non. Parce que moi, sur les noms, c'est très embêtant de choisir des noms. Y compris Pauline ? Sœur Pauline, non, ça n'a pas été choisi par elle, c'est choisi avant qu'elle ne soit engagée, c'est choisi par les autres. Ce personnage-là s'appelait Brigitte. Bon. Et je pense que je l'ai choisi en hommage à Brigitte Bardot. Et d'ailleurs, pourquoi pas à cette époque, c'était dans les années 50, je rêvais peut-être, comme certains au Quai du cinéma, de faire un film avec Brigitte Bardot. Donc, Ariel Dombal dériverait de Brigitte Bardot. Bon, alors... Non, pas elle, mais son personnage. Mais alors, pourquoi Brigitte Bardot? Alors, vous aimiez beaucoup Brigitte Bardot, pour quelle raison? Parce qu'on a envie de vous entendre parler de Brigitte Bardot, quand même. Non, mais à ce moment, il y avait une actrice qui aurait pu jouer ce rôle, c'était Brigitte Bardot. Mais enfin, je n'étais pas encore... J'avais fait que des films d'amateurs, et j'aimais bien Brigitte Bardot, peut-être moins que les autres personnes au Quai du cinéma. Enfin, j'ai jamais écrit sur elle, à l'inverse de François Truffaut. Mais quand je revois ses films, je dois dire que je trouve que c'est une très bonne comédienne, et bien meilleure que certains autres acteurs, qui de son temps étaient considérés comme de grands acteurs, je ne nomme personne, alors qu'elle-même, on disait d'elle qu'elle ne savait pas jouer, ce qui est entièrement faux. C'était la situation ou c'était les personnages, ou les deux ? Il y avait peut-être une scène, mais je préfère pas dire laquelle, c'est pas la peine de dire laquelle. Il y avait peut-être une scène. Il y avait à peu près tous les personnages, voilà. Il y avait une scène et il y avait à peu près tous les personnages. Bon, le reste n'était pas structuré. Et c'est là qu'est intervenu l'ordinateur, si je puis dire. Vous partez des personnages, en fait, là, pour ce film-là. Disons, plutôt un schéma d'histoire qui serait peut-être antérieur à celui des personnages, mais ce schéma d'histoire ne peut vraiment prendre corps que si les personnages existent. Et c'est très difficile, et c'est peut-être plus difficile de trouver des personnages qu'une histoire. C'est là qu'on hésite, c'est là qu'on se donne du mal, et lorsque les personnages existent, alors à ce moment-là, le vrai départ peut être donné. Parce que je trouve qu'en ce qui vous concerne, le mot personnage est presque abstrait. J'aurais envie de vous demander, est-ce que c'est le corps des gens que vous connaissez bien, parce que c'est des gens que vous avez déjà souvent filmés, qui peut vous, à partir du moment où vous retrouvez ces notes ou ces vieilles idées ou ces quelque chose, donner ce qu'on appelle corps à ces choses-là? Non, ne confondez pas les personnages et les comédiens. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ils vont se confondre. C'est-à-dire au moment où je tourne. À ce moment-là, il va y avoir une sorte d'adéquation entre le personnage et le comédien. Et les comédiens vont prendre en charge les personnages et vont parfois même s'identifier avec eux pendant qu'ils jouent. Enfin, plus ou moins. Bon. Mais c'est une opération qui se produit assez tard. Quand j'écris mon histoire, quand j'écris l'histoire, je ne pense à personne. Et d'ailleurs, si je prends par exemple La femme de l'aviateur, il est certain que quand j'ai écrit l'histoire, et même quand le personnage, quand j'ai parlé du personnage et quand je lui ai fait dire un certain nombre de phrases, d'ailleurs qui ont été conservées, Marie Rivière, qui l'interprète, n'était pas née. Et quand j'ai eu l'idée du beau mariage, eh bien, Béatrice Roman s'était retirée de la profession, plus ou moins. Enfin, bon, j'ai pas du tout pensé à elle quand j'ai écrit mon histoire. Il y a une chose que je pense avoir été écrite, à savoir pour l'évolution du regard du spectateur, de mon regard à moi devant le film, par rapport au personnage de Pauline, par rapport au personnage de l'adolescente, qui est d'ailleurs un admirable personnage, très très très beau personnage de cinéma. Bon, je vois très très bien comment vous nous la montrez. Si j'essaye de revenir vers le scénario, Vous nous la montrez d'abord comme une enfant, je veux dire comme une, comme et même enfin avec un costume qui d'une certaine façon est un costume marin et qui est évidemment pas celui d'une de la séduction. Bon, et comment graduellement nous allons dériver nous spectateurs jusqu'à la considérer comme une femme désirable et puis quand même au bout du compte sinon comme le regard juste, en tout cas comme un des regards les plus justes. Sur toute cette histoire. Pour ce qui est du scénario, me paraît être possible, quelle que soit l'actrice choisie. Mais à partir du moment où l'actrice entre en jeu, il se passe quelque chose que vous ne pouvez pas avoir écrit, qui est la simple relation de proportion entre la gracilité de son buste et une certaine rondeur qui est à la fois enfantine et à la fois féminine, cette espèce de disproportion qui pourrait être à la limite d'une disproportion désagréable, disons, et qui est en réalité tout à fait charmante. Alors ça, vous pouvez pas l'avoir écrit. Oui, mais parce que là, vous confondez volontairement scénario et mise en scène. Ce n'est pas dans le scénario. Dans le scénario, rien n'est écrit. Bon, c'est dans la mise en scène. Bon, si j'étais romancier, une partie de la mise en scène passerait dans le roman. C'est-à-dire, je décrirais. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Quand vous avez choisi parce que ça, je suppose que le fait de choisir la jeune comédienne qui joue l'adolescente, ça a dû être, vous l'avez choisi entre plusieurs, que vous avez, je suppose que vous avez été extrêmement attentif à tout son être, enfin à toute sa façon d'être. Oui, mais enfin, j'ai été attentif, mais j'ai presque choisi au hasard. C'est-à-dire, je suis extrêmement vite, hein, en une matinée. C'est ça. Je suis allé au fichier de la télévision, j'ai regardé toutes les rôles enfants, c'est-à-dire avec les dates de naissance, je pensais qu'elle devait avoir 15 ans, qu'elle devait être née donc en 1967, à la rigueur 66, à la rigueur 68, mais en 67 c'était le mieux. Et au moment même de me dire qu'il n'y a rien d'intéressant, je pense que ce n'est pas la peine de voir ces jeunes filles, de les déranger pour rien, parce que je n'aime pas déranger les gens pour rien, je tombe sur une photo d'Amanda Langlais et je me dis, tiens, il y a quelque chose. Elle avait les cheveux longs d'ailleurs, elle n'était pas assez différente de ce qu'elle était dans le film. Les cheveux longs et un grand chapeau. Je suis allé voir son agent. Elle avait un agent parce qu'elle était, elle avait joué un petit rôle à la télévision et elle était également, elle avait fait des photos de mode pour enfants. Et je l'ai convoqué au bureau et dès que je l'ai vu, j'ai pensé que ce n'était pas la peine d'en chercher d'autres. J'en ai simplement vu quelques-unes parce que, comme on savait que je tournais le film, certains agents de comédiens ont voulu me présenter de jeunes actrices. Je suis resté fidèle absolument à mon choix. Ce personnage, c'est un personnage, encore une fois, je le dis pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, est une des raisons d'aller voir le film parce qu'elle est tout à fait belle intérieurement. Enfin, c'est quelqu'un de très très très beau intérieurement. Qu'est-ce qui vous a plu quand vous l'avez vue, elle, cette actrice-là? Parce qu'après tout, c'est elle que nous voyons. Oui, mais c'est très difficile à dire. Mais alors, enfin, ce que je vous fais remarquer, c'est la légèreté de mon choix. C'est-à-dire que mon choix n'a pas été un choix comme pour d'autres films, parce que d'autres films se sont tournés en même temps sur des jeunes filles. Et en général, on dit toujours, en fait, dans la presse, on dit, elle a été choisie entre 10 000, on a convoqué. Et c'est vrai. Très souvent, on convoque un nombre considérable. Et moi, je n'aime pas convoquer, surtout lorsqu'il s'agit de jeunes, parce que je pense que ça leur met des idées dans la tête. Et en même temps, c'est assez déplaisant. Bon, c'est pas très agréable, ce genre de choses. Alors, je me suis dit, elle est comme elle est. Et dans ce cas-là, prenons-la. Mais en même temps, disons que j'ai eu de la chance parce que j'aurais pu avoir plus de difficultés à la trouver. Notez que j'ai eu plus de difficultés à trouver les deux jeunes filles du genou de Claire. C'était plus difficile. Bon. Non, je ne prends pas n'importe qui, c'est pas vrai. Mais enfin, disons que je crois, pas du tout, que je crois à ma chance, que là j'ai eu de la chance et que cette adolescente m'a vraiment inspiré et correspondait. Disons que si j'avais à l'avance une vague idée de la personne, peut-être par de vagues réminiscences, de vagues souvenirs, eh bien disons que c'est ainsi que je l'imaginais. Alors que dans Le Genou de Claire, c'était un peu différent. Je suis très content des interprètes du Genou de Claire, elles sont merveilleuses, mais je m'imaginais Claire en brun et l'autre en blond. Vous voyez, parce que j'avais une idée différente. Tandis que là, ça a correspondu tout à fait à mon idée. Bon alors, ce que vous nous dites nous ramène à peut-être à quelque chose d'essentiel, en tout cas pour ce qui est de votre façon d'envisager les personnages et donc finalement le cinéma, c'est que Vous êtes un des rares metteurs en scène au monde, enfin peut-être dire aux U dans votre cas, qui n'ait pas du tout peur d'aucune façon de frôler les limites extrêmes de l'anodin. C'est-à-dire, je pense que c'est pour la Pauline à la plage, le reproche cette fois vous sera fait. Il est déjà fait en grande partie, puisqu'on parle des gens disent que ça ressemble à la Boom numéro 2, des gens disent que que ça ressemble à Jour de France, etc. Donc, le reproche, il est clair, c'est la banalité, l'anodin, le presque rien, le pourquoi ces personnages-là plutôt que d'autres, ils sont... est-ce que je pourrais vous poser la question de telle sorte que vous ayez à vous en défendre. Est-ce que vous préférez que je me la pose comme ça? Oui, alors sur ce terrain, ça m'est difficile de parler. Enfin, c'est une question qui concerne les critiques, plus que les auteurs. Disons que la banalité, oui, fait un peu partie de mon propos, d'une certaine façon, partir de la banalité. Autrement dit, j'ai hésité après les contes Moreau, je me suis demandé si je ne choisirais pas des sujets plus extraordinaires que les contes Moreau. Et en fin de compte, je prends des sujets, au contraire, qui sont plus ordinaires, parce que je pense que c'est ma voie, voilà. Mais la banalité, on peut la rencontrer dans des sujets extraordinaires, aussi bien que dans des ordinaires. Oui, absolument. Et j'espère que l'inverse est vrai aussi. Le vieux dialogue entre Sternberg et Hawks, enfin, qui était très aimé par ailleurs. Alors justement, j'ai assez envie de vous entendre reparler de Hawks soudain, parce que lui aussi, voilà quelqu'un qui, bon, se tirait complètement de la banalité parce qu'il choisissait d'emblée les histoires les plus extravagantes, mais les plus héroïques, les plus aventureuses. Mais en réalité, vous êtes très très près de lui, de plus que jamais, je crois. Oui, j'en sais rien. C'est-à-dire que je ne pense pas au cinéma, je vous l'ai dit souvent, je ne pense pas au cinéma quand je fais un film. Je n'ai pas de modèle cinématographique. Et il est certain que c'est un cinéaste que j'admire toujours. Enfin, s'il y en a d'autres qui ont perdu dans mon admiration, après un certain temps, qui ont mal subi l'épreuve du temps, en ce qui me concerne, pour ce qui est de Hawks, ce n'est pas vrai. Au contraire. Moi, je ne vois pas comment relier ce cinéaste que j'aime, enfin qui est d'une certaine façon mon maître, avec ce que je fais. Je ne vois pas très bien. Il y a une phrase de vous qui me revient par cœur, c'est « Il est un cinéaste de l'être et pas du paraître », en parlant de Hawks. Oui, d'accord, mais enfin, je ne sais pas si j'ai suivi cette leçon, j'en sais rien. Je ne sais pas si je n'ai pas plutôt suivi celle du paraître que de l'être, je n'en sais rien du tout, je serais incapable de répondre. Bon, alors, le film répond pour vous. Alors, bon, essayons de parler de choses qui sont sur l'écran. À savoir, on peut commencer par deux plans, soit le premier, soit, de préférence, parce que là, on est tout de suite déjà quelque chose s'est déclenché, la façon dont vous montrez Ariel Dombasle sortant de l'eau avec Pauline. Et cette scène qui se déroule avec l'apparition des deux garçons, puisque les deux garçons apparaissent là. Alors moi j'aimerais savoir comment c'était. Les choix que vous faites entre ce que vous filmez à l'intérieur et ce que vous filmez à l'extérieur. Et les extérieurs ne sont pas n'importe quels extérieurs, puisque c'est la plage. Et qu'on a l'impression d'être, au bord d'un monde, sur une planète, dans un monde. Et le fait... De cette sirène qui sort de l'eau, parce qu'elle est vraiment, elle a un corps de sirène et elle est filmée comme une sirène, et de ces rencontres qui vont se faire là et se nouer très vite, on a l'impression de rencontres initiales, des premiers temps de l'amour ou de l'affectivité, et qui se situeraient aux frontières de ce qu'on imagine, de la terre et du ciel, de la terre et de l'eau, et de la terre et... voilà. Est-ce que c'est une volonté de mise en scène? Parce qu'on ressent très fortement le fait que vous nous baignez tout d'un coup dans un espace qui est assez infini. Et puis, vous allez lentement vers des choses qui pourraient être plus finies et qui retournent d'autre part à la fin du film à l'infini. D'abord, je vous dis tout de suite que c'est exceptionnellement une scène que j'ai tournée deux fois. En général, je ne recommence jamais. Mais là, j'ai recommencé pour une question de temps. C'est-à-dire qu'on a tourné le premier jour, il faisait un temps très gris. C'était assez beau, d'ailleurs. Mais ça correspondait moins au caractère du film, de sorte qu'on a retourné plus tard avec le temps clair. Et vous ne tournez jamais deux fois. Enfin, non seulement je ne tourne pas deux fois, mais je tourne peu de prises. Maintenant, j'en tourne un peu plus qu'autrefois. Mais surtout, je ne fais pas tiré plusieurs prises. Alors donc, j'en avais plusieurs, qui étaient cadrées un peu différemment. Donc c'est pas dans le cadre, la mise en scène, si vous voulez, l'essentiel de la mise en scène n'est pas exactement dans les dimensions du cadre, parce que dans l'une, d'abord la mer était un peu plus... Là la mer est basse, l'autre la mer était un peu plus haute, on sortait de l'eau peut-être un peu différemment, les personnes apparaissaient différemment dans le cadre, la couleur était différente. Mais il y avait la même chose, c'est-à-dire que c'était pris de face, bon, comme dans un tableau. Il y a cet aspect frontal qui est très important. Dans mes choix, je veux dire, le reste c'est l'aléa, le reste c'est ce qu'il y avait sur la plage à ce moment-là, que j'ai pas choisi. La seule chose que j'ai choisi, c'est ça, c'est évidemment les actrices, et c'est évidemment les costumes. C'est-à-dire les costumes de bain sont choisis, et là je crois que c'est très important, parce que ça donne ce côté sirène, et également les serviettes de bain sont aussi choisies, mais dans les grands magasins. Bon. Donc il y a, voilà les choix, voilà quels sont les choix. Alors, parlons de la beauté d'Ariel Dombasle, parce qu'il a été question tout à l'heure de Brigitte Bardot. Et il s'agit probablement de la même stupéfaction absolue qui nous saisit devant des proportions d'un corps et d'un visage aussi étonnantes, enfin. Et ce qui est tout à fait paradoxal, compte tenu du sujet, c'est que c'est elle qui pleure à la fin. Vous avez choisi Ariel Dombasle en sachant que c'était elle allait pleurer à la fin. Oui, je pense qu'il faut un peu de paradoxe, sinon alors la banalité serait complète. Non, mais disons que Brigitte Bardot aurait pu pleurer aussi, je veux dire, ça aurait été le même traitement, en fin de compte, c'est pour ça. Je pense qu'il fallait que dans ce film, les plus beaux, physiquement, soient les plus malheureux, c'est-à-dire elle, et puis également Pierre, c'est ça, voilà. Il est très remarquable. La façon dont vous le faites apparaître, effectivement... Il est remarquable, non, il est très remarquable parce qu'il a un rôle très ingrat, voilà. C'est ça, ça. Oui, il a un rôle ingrat, mais il a peut-être le seul... rôle légèrement romantique, parce que vers la moitié du film, d'une certaine manière, disons que son personnage a une égalité dans tout le film, alors que les autres ont des progressions. Son personnage est romantique parce qu'il est égal. C'est ça, il est égal, étant donné que dans les autres, il y a des changements, des évolutions. Mais est-ce que romantique est le bon mot? Est-ce que ça serait pas plutôt... Il a une règle, lui. Romantique, pris dans le sens qu'on lui donne dans le courrier du cœur. Bon. Voilà. Et que lui... prend à son propre compte, puisque la jeune fille lui demande comment elle était tuée, il dit « j'étais tendre et romantique bon, ». Ah oui, c'est ça, voilà. C'est une citation. Et Féodor Atkin, je le trouve très intéressant parce qu'on a des moments de grande antipathie à son égard, et puis finalement, c'est un... Disons qu'il campe une réalité d'homme que je trouve tout à fait forte, quoi. Surprenante, réelle. Ça m'a étonné de vous que vous campiez un homme de cette sorte. Ah, eh bien, oui, peut-être. Vous trouvez qu'il a plus de force que les autres personnages de mes films? Peut-être, c'est certain. Non, disons qu'il n'a pas plus de force, il a ce que j'appellerais plus de contemporanéité aujourd'hui. C'est-à-dire que je crois qu'il y a des hommes aujourd'hui qui doivent penser comme lui. Ce qu'il dit à un moment, et qui est quand même très important, et qui nous fait basculer, j'ai aimé, j'ai été aimé, et puis maintenant je veux me reposer, qui est une phrase quand même colossale à dire et à vivre dans un film, elle m'a étonnée de vous. Oui, enfin, il se sort très bien de phrases très difficiles comme celle-ci, effectivement. Mais qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui dit ça, qui vous dirait ça à vous? J'ai aimé, j'ai été aimé, maintenant je veux me reposer. Ben, je pense que ça sera accepté. Oui, je ne sais pas. Évidemment. Je pense qu'il y a une certaine cohérence dans ce personnage, mais en tout cas, ce n'est pas du tout un personnage pour lequel j'ai des modèles. C'est un personnage qui est vraiment inventé, c'est certain. Féodor Atkin est un très... Enfin, ils sont tous étonnants dans ce film. C'est même d'ailleurs un des grands plaisirs de ce film que de voir une telle richesse de présence des comédiens et une telle qualité, une telle subtilité. Mais revenons à Ariel Dombasle, parce qu'elle est centrale tout de même. C'est pas... Ce qui est très frappant dans sa sortie de... J'allais dire, au moment où Caroline parlait de Vénus sortant, enfin, de un peu mythologique, la façon dont elle-même, en tant que comédienne, s'en défend un peu, c'est-à-dire, enfin, en tant qu'être humain, disons, d'une certaine façon, à quel point elle a, d'une certaine façon, la modestie de sa beauté, tout en la connaissant, tout en disant, on me dit que j'ai des formes très très serpentines, elle sait parfaitement qu'elle est très attirante et très très très belle, mais en même temps, il y a une espèce de côté, alors, moi je dirais plutôt que Brigitte, pas vraiment Marilyn, mais enfin quelque chose qui serait dans la fragilité et dans la modestie, d'une certaine façon. Oui, c'est certain. Enfin, si le film avait été tourné avec Brigitte Bardot ou avec Marilyn, il aurait tout de même été différent. C'est-à-dire qu'il y a un moment, elle pouvait jouer, mais il y a un moment où le film s'ajuste tout de même à l'interprète et l'interprète s'ajuste au film. Et c'est là que le film naît à ce moment-là. En particulier, il y a un moment tout à fait prodigieux, qui est un des moments difficiles, sans doute pour vous, puisque c'est un moment qui sont pas des dialogues, c'est quand les gens passent aux actes, et même de façon un peu maladroite, c'est quand le jeune homme s'essaye d'embrasser Ariadne Dombasle et qu'elle se refuse et qu'il y a une sorte de gêne qui se crée, et l'autre moment qui suit aussitôt et qui est le moment où Ariadne Dombasle a un regard d'une précision absolue pour voir si l'autre ne regarde pas et où elle décide d'elle-même d'embrasser Fedoratkin. Alors la mise en scène de ces moments-là pour vous c'est plus difficile. La mise en scène me cause pas beaucoup de difficultés. Et particulièrement dans ce film, qui est un film de vacances. Et je pense pas que ça ait causé de difficultés pour les comédiens. Les seules difficultés, c'est les difficultés d'ordre physique, c'est-à-dire, on avait froid, on a toujours froid dans les films, même en été. Et quand on sort de l'eau mouillée, on a froid. Bon. Mais à part ça, je pense que ça a été pour tout le monde très, très simple. C'était très simple. Je pense qu'une fois qu'une situation est juste, que les mots sont justes, et si les comédiens sont des gens justes aussi, eh bien, ça va tout seul. Vous avez tourné dans l'ordre chronologique ? Ah oui, alors, encore, chose qui a facilité les choses, nous avons tourné dans l'ordre chronologique. Et pour un film de ce genre, c'était également très agréable. Il y a très très très peu de décors, enfin. Oui, il y a la plage et deux villas, c'est tout. Et les trajets également sont réduits au minimum. Enfin, c'est le contraire du film précédent, à cet égard. Dans le film précédent, on insistait davantage sur le trajet, là c'est différent, oui. Parce que le trajet voulait dire quelque chose. La personne vivait pendant son trajet, enfin, et tenait compte de son trajet dans sa vie. Tandis que là, c'est mis de côté. On est en vacances, on est sur la plage, c'est tout. Vous pourrez dire que ce sont des grands mots, mais ça correspondait très bien à la trajectoire d'un personnage dans Le Beau Mariage. Et là, étrangement, ce sont des personnages qui sont confrontés à des situations affectives réelles, en même temps qu'ils trimballent à l'intérieur d'eux des situations affectives fantasmées, qui pourraient ressembler, si on a envie de voir dans la mise en scène des applications effectives, à un extérieur sans limite, comme celui d'une plage, ou à un intérieur tout à fait limité, comme celui d'une maison, avec un escalier et des meubles. C'est-à-dire que le grand monologue de Dombasle au début, quand elle explique qu'elle cherche l'amour, qu'elle a l'amour absolu, un amour parfait, profond, c'est quelque chose qui pourrait ressembler à un paysage sans horizon, où l'horizon est très éloigné. Vous dites que vous n'y pensez pas, mais le spectateur ne peut pas penser, lui, que, enfin, en tout cas moi, que vous faites les choses comme ça absolument Non, mais je trouve que c'est très bien que je ne pense pas et que les spectateurs pensent. C'est comme ça que il vaut mieux cela que l'inverse. Non, mais vous ne pensez pas, mais enfin, il me semble, moi, pour ce qui est de la maison de Fedoratkin en particulier, que le fait d'avoir très très peu de décors nous donne avec cette maison une familiarité très grande. C'est-à-dire que cet escalier, les deux espaces de la maison, le bas et le haut, jouent. Enfin, on y est vraiment. Oui. On y est complètement. Et il me semble que ça ajoute complètement à la vérité du sentiment de ne pas être chez soi, enfin d'être dans une maison de vacances. Donc ça, l'idée de la maison de vacances est très très très présente dans votre film. Oui. Dans ce domaine également, j'ai eu beaucoup de chance et je suis très content. Je suis très content des décors. Je suis très content de cette plage que je ne connaissais pas et je suis très content de cette maison qui a été choisie par hasard, parce que c'est une maison qui appartient à la famille de mon assistante Marie Boutelou, qui était mon assistante pour le mariage, et par conséquent, je ne l'ai pas choisie du tout. Bon. Il faut dire que si elle n'avait pas inspiré, on aurait peut-être cherché autre chose. Bon. Mais il est certain que, vraiment, je ne pense pas que j'aurais pu trouver mieux. Et j'ai vraiment été tout à fait inspiré par les moindres détails de cette maison, par les fenêtres, par les portes, par le jardin, et par ce qu'il restait de meubles, parce que effectivement, j'ai tout de même éliminé quelques petites choses. Elle aussi était parfaitement simple. Enfin, son architecture est d'une... Oui, oui. C'est presque de l'ordre du cliché. C'est comme la situation. Et puis, Oui, elle est simple. Et en même temps, elle a un très petit côté très vaguement exotique qui me plaisait. Et qui c'est peut-être ça qui a fait que j'ai dit que Henri, le personnage joué par Atkin, est technologue. J'ai insisté un peu sur ce point. J'ai ajouté quelques petits fauteuils en rotin, c'est ça. Pour accentuer ce côté-là. Moi, je voudrais dire un mot du scénario, parce qu'on ne parle pas beaucoup du scénario, et je trouve que c'est un scénario formidable, parce que, comme chez Renoir, finalement, on se rend compte que tous les personnages ont leur raison. Donc, même le personnage de Féodor Atkin, qui au départ paraît pas très sympathique, strictement intéressé par les aspects matériels des choses, se révèle avoir véritablement être un personnage riche, avoir derrière lui un passé qui justifie toute sa conduite. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est comment le scénario s'enchaîne d'une façon que je dirais pratiquement diabolique. C'est-à-dire que tout ce qui arrive est inéluctable, et dès qu'une chose arrive, aussitôt, elle a des conséquences qui font instantanément que les relations se modifient entre les personnages. Vous parliez d'ordinateur tout à l'heure, je crois que là, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de l'ordinateur. Et ma question, ce serait par rapport au proverbe, parce que le proverbe, il est très discret dans ce film-ci. Qui trop parle, il se méfait. Alors, comment est-ce que le proverbe travaille avec le film? Est-ce qu'il vient après le film, avant? C'est ce qu'il y a de moins sérieux, le proverbe, c'est certain. C'est-à-dire que mon ordinateur n'a pas réussi très bien à intégrer le proverbe au film. Il l'avait réussi dans le film précédent, mais là, effectivement, c'est un aspect. Mais un aspect, c'est-à-dire, en principe, c'est Pierre qui parle trop. C'est ça. Mais on peut se demander aussi, là, oui, bien que j'aime pas donner, oui, enfin, je vous mets sur une voie qui peut-être pas la bonne, ça peut être aussi tout le monde. Les gens parlent beaucoup. Bon, voilà. Il n'y a qu'une personne qui parle pas, qui veut pas. C'est là, c'est Pauline. Oui. C'est ça. Donc ce serait Pauline, en fin de compte, qui aurait raison. Qui elle dit, je le dirai pas. C'est ça. Je le dirai pas. Aussi. Elle finit par dire. Mais elle parle quand même. Les dernières paroles de Pauline, vous y souscrivez personnellement, les derniers mots? J'y souscris, c'est essentiel. C'est-à-dire que je n'ai trouvé mon histoire quand j'ai trouvé ça. Parce que mes histoires, d'ailleurs, je les commence par la fin. J'ai besoin d'avoir une fin presque définitive, à son état définitif, avant de m'attaquer à la rédaction de mon histoire. Donc, la fin est très importante pour moi. C'est cette scène dans la voiture où elle... La fin, oui, c'est quand elle dirait. Ben, la scène où elle ne parle pas, elle c'est ne ça. Parle elle, pas. Elle ne parle pas, c'est ça, c'est ça. Non, mais quand je pensais à ses dernières paroles, c'était ce qu'elle disait, ce qu'elle dit aussi à Féodor Atkin, dans une scène juste précédente. Oui. Et où elle prend parti, où elle juge. Elle juge, oui. C'est à celle-là que je pensais. Oui. Je dois dire, alors là, qu'il y a peut-être... Non, dans cette scène, il n'y a... C'est peut-être pas dans cette scène-là, mais dans la scène, dans la conversation avec au restaurant, avec Pierre, il y a deux ou trois phrases qui sont de la jeune fille elle-même, parce qu'on a un peu discuté. Enfin, je fais deux rédactions. Je fais d'abord un petit cahier, puis un gros cahier. Alors, j'avais montré aux acteurs d'abord le petit cahier dans lequel il n'y a pas tous les dialogues, et l'histoire est assez condensée, avant de me lancer dans la rédaction définitive des dialogues. Et on a un peu parlé après ce petit cahier, et je lui ai demandé elle-même dans quel terme elle s'exprimerait si on lui disait telle chose ou telle chose. Et elle a répondu deux ou trois phrases que j'ai conservées, comme je fais souvent dans les films, surtout lorsqu'il s'agit de comédiens qui ne sont pas vraiment des professionnels, et de façon à trouver un ton plus authentique dans cette scène de restaurant. Des choses, je ne sais pas, disons, tu te prends pour le centre du monde, des choses de ce genre. Mais alors là, la scène dont vous me parlez, c'est-à-dire la scène qui suit. Dans la version d'une scène qui avait été écrite avant que je ne la connaisse, effectivement. Ça fait partie tout à fait de l'histoire elle-même. Dans la vie d'Henri, c'est ça. Oui, c'est une scène qui est cruciale, et je suis... Oui, je suis parti... Si vous voulez, j'ai composé, je ne dis pas que j'ai composé à rebours, mais disons que c'est cette scène peut-être que je suis parti, la conclusion n'ayant peut-être été faite qu'après, bien entendu. Bon. Et ensuite, alors, une fois que j'avais cette scène, une fois que j'avais la conclusion, je suis revenu au début. Mais la difficulté dans un film, comme dans une pièce de théâtre, je pense, et comme également dans un roman, ce n'est pas le début et la fin, très souvent, c'est le milieu. Enfin, pour moi, c'est le milieu. C'est la première fois que dans un de vos films, les rapports sexuels tiennent autant de place, en tout cas, non seulement dans l'histoire, mais aussi dans l'image, et la présence des corps en tant que corps sexuel. Et est-ce que c'est parce que c'est une chose qui est dans l'air du temps aujourd'hui, ou ça vous tient à cœur plus profondément? Non, Non, je pense que c'était dans le sujet en 1950, je pense. Et je pense pas que je l'ai montré différemment, parce que c'est montré très, à cette époque-là, c'est montré très chastement. De toute façon, alors là, c'est un procédé de narration qui consiste à montrer des personnages qui sont surpris par d'autres. Et on passe d'un point de vue à un autre. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, dans cette histoire, que cette histoire est racontée du point de vue de Pauline. C'est pas vrai, parce que parfois, Pauline n'est pas là. C'est raconté du point de vue successif de presque tous les personnages. Peut-être pas de la marchande, mais il y a un moment où les personnages sont... Chacun des six personnages se trouve seul, et dans ce cas-là, c'est forcément de son point de vue à lui. Et ça fait partie également de l'ordinateur. À un moment, je me suis dit, pourquoi les personnages ne seraient-ils pas surpris par les autres? Alors j'ai pensé que c'était intéressant de montrer la jeune fille qui surprenait les deux amants, c'est-à-dire Henri et Marion, de montrer Marion surprenant Pauline et Sylvain, et ensuite de montrer Pierre qui surprenait la marchande avec la marchande. Il y a aussi Sylvain qui surprend Henri et la marchande. Une scène. Et puis il y a Sylvain qui surprend aussi la marchande. C'est-à-dire que chacun surprend on surprend toujours les autres. C'est ça, j'avais oublié, c'est ça. Effectivement. Oui. Effectivement. On parle fort peu du personnage de Sylvain qui amène une certaine... Là encore, ça m'a étonné à quel point ce personnage existait. Il était contemporain, ce petit garçon qui est capable d'engueuler Henri en lui disant qu'il a des magouilles qui ne sont pas de... Oui, oui. J'aime bien cette scène. Je peux dire que je n'ai pas fait appel du tout à l'acteur. Je pense avoir écrit avant de connaître les deux comédiens, c'est ça. Et il n'a apporté qu'un seul mot. Enfin, je peux le dire parce qu'il est drôle. Parce que je ne savais pas comment lui faire la marchande. Je lui demandais comment la marchande, qu'est-ce qu'il pouvait dire de la marchande, comment la désigner. Et il a dit bouffonne. Je ne pensais pas à ce mot-là. Non, c'est le seul mot auquel j'aurais pas pensé. C'est très joli. Oui, c'est très joli, c'est très joli. Mais disons que pour le reste, c'est une scène qui a vraiment été écrite. Ce n'est pas une scène qui a été du tout improvisée. Et je la trouve très bien jouée. Parce qu'elle donne un côté. Il y a un petit côté d'improvisation, je trouve. Mais ce n'est pas du tout improvisé. Il y a une question que je voulais vous poser sur la perfection, qui est un peu perfide. Vous faites dire ce très grand monologue, dont je veux bien penser que l'idée de Wolfilm doit partir de là. C'est-à-dire tout le discours d'Henri sur la perfection d'une femme, qui fait que quelque chose du charme échappe à partir du moment où l'objet, c'est-à-dire le corps, et pas que le corps, est trop parfait. Même l'idée qu'on peut se faire de l'amour chez Marion est quelque chose qui est peut-être trop parfaite pour qu'un homme veuille bien y adhérer. Ceci dit, il y a dans votre film quelque chose de l'ordre de la perfection et dans vos films. Vos films sont très très loin de films imparfaits, celui-là particulièrement. La jouissance qu'on a pendant tout le film est proche d'un sentiment et d'une jouissance de la perfection. Enfin, oui, enfin, je suis très, très flatté de ce que vous dites, mais enfin, je n'y crois pas tellement. En tout cas, à la perfection, il n'y a pas de soin dans mes films. Il y a énormément de laisser-aller dans mes films. Il y a énormément de hasard, comme je vous le dis. Bon, je ne suis pas du tout quelqu'un qui choisit entre 1000 choix possibles, que ce soit des comédiens, que ce soit des objets, que ce soit des décors, que ce soit des plans. Ce n'est pas ça. Or, il y a beaucoup de cinéastes qui sont... je ne parle pas seulement de Bresson, mais je parle d'autres. Enfin, parmi tous les cinéastes français, je suis un de ceux qui est le plus négligé de ce point de vue. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Renoir. Ben Renoir, oui, dans ce cas-là, je suis... Il y a toutes ces leçons, c'est-à-dire... Oui, c'est la leçon de Renoir. Et mais la leçon de Renoir, que je ne suis pas d'ailleurs seul à suivre, que également, mais enfin, la nouvelle vague a suivi, effectivement. C'est-à-dire alors qu'on vous était... Êtes, vous êtes le seul à avoir... non, excusez-moi, mais alors là, je suis obligé de parler en tant que quelqu'un dont la vie même a été bouleversée par le fait que les films de Renoir existent. Sa claudication, on va dire que vos hésitations, aussi bien dans votre façon de parler que dans vos déclarations, je retrouve sa claudication à lui, c'est-à-dire cette façon qu'il avait d'apparaître, oui, il avait été blessé à la guerre, ce qu'il faisait boiter. Et ce qu'il disait d'ailleurs que ça avait une grande importance dans sa vie. Bon, pourquoi? Parce que ça l'a toujours lui donné le sentiment d'un équilibre toujours menacé et continuellement repris. Le bonheur qu'on a devant Pauline à la plage, c'est la menace de tous les équilibres, tous. Et d'ailleurs, ces équilibres c'est-à-dire qu'aucun de ces grands amours ne va se réaliser. Mais la vie même et le sentiment de plaisir et de confiance qu'on a dans l'existence n'est n'est aucunement entamé. C'est ça que j'appellerais de la perfection. C'est-à-dire que vous arrivez à mettre à bas une histoire d'amour que le spectateur et les personnages désirent, les personnages font désirer. Vous la mettez à bas assez sévèrement, assez violemment, et en même temps, tout ce qui concerne la vie est préservé. C'est-à-dire que ces deux jeunes femmes repartent avec une expérience mutuelle dont elles ont le dernier mot chacune, parce que l'une préfère ne pas savoir. Est-ce que vous pensez que Ariel Dombasle sait ? Est-ce que vous pensez que Marion sait ? Je pense que mes personnages sont intelligents. Enfin, j'aime les personnages intelligents. Je pense qu'ils savent. Je pense qu'en général, ils savent. Et là, je pense qu'elle sait d'une façon, mais qu'elle ne veut pas le dire, ou elle ne veut pas se l'avouer, ou ne veut pas en parler. Je pense que c'est plutôt ainsi qu'il faut voir les choses. Mais pour revenir à Renoir, enfin, disons qu'effectivement, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé et qui a frappé notre génération, en fait, du moins notre groupe, c'est ce qu'on peut appeler, d'une façon un peu banalisante, l'optimisme, cet optimisme de Renoir, par rapport au pessimisme du cinéma. C'est-à-dire que le cinéma profond, depuis la guerre, si vous voulez, est un cinéma pessimiste, c'est-à-dire c'est un cinéma, disons, existentialiste, c'est-à-dire un cinéma qui confronte l'homme avec le néant, le vide, si vous voulez, et le cinéma du vide et du néant, c'est un cinéma qui a été très prolifique et qui continue à s'affirmer encore, ne serait-ce qu'avec Antonioni, par exemple, Wenders, et la plupart des films, c'est un thème d'ailleurs que vous traitez très souvent actuellement. Et c'est un cinéma moderne, mais je pense qu'il y a une autre visage de la modernité qui est Renoir. Et je vois guère d'autres, sinon peut-être à travers le cinéma américain, mais en essayant de dépouiller le cinéma américain, si vous voulez, de son côté conventionnel. Mais chez Renoir, ça s'exprime à l'état pur. Et je pense que la modernité de Renoir est beaucoup plus moderne, en fin de compte, et maintenant, en 1983, je crois qu'elle est beaucoup plus moderne, qu'elle nous montre plus la voie que la modernité existentialiste. Je pense. Enfin, c'est-à-dire que vous avez plus de facilité que lui, d'une certaine façon. Quand Renoir dit, on part toujours, malheureusement, d'une façon un peu théorique. On part toujours avec un plan, on part toujours avec des intentions, on part toujours avec des idées. Et la création consiste à les évacuer, enfin, carrément, à s'en débarrasser, à les écraser, à les fondre, à les dans la matière même de l'œuvre. Bon, leçon qu'il avait reçue de son père, puisque son père. Chez vous, il semblerait que vous partiez de là, ce qui est un avantage considérable. Que ayant vu les films de Renoir, il semblerait que la leçon véritable de votre cinéma, et qui s'affirme de plus en plus, ce soit celle-là. C'est-à-dire que, c'est une phrase de vous, on a parlé de tout en général, donc nous reste le particulier. Enfin, nous reste. Enfin, tout ce que je puis dire, c'est que, enfin, que ce soit vrai ou faux ce que vous dites de rapport entre mes films et Renoir, donc. J'accepte, en fait, très, avec un grand plaisir, la paternité. Enfin, une chose que je peux dire, c'est que, alors là, ça confirme nos prévisions, si vous voulez, au Quai du cinéma. On disait, Renoir, eh bien, la postérité ratifiera. Eh bien, je crois que, maintenant, en 1983, on peut dire que c'est le moment est venu, hein, pour que la leçon de Renoir porte vraiment ses fruits, je pense. Et j'espère que ça se fera sentir par d'autres exemples que celui-ci, bien entendu. Merci Eric Romer. Voilà une très belle conclusion, et d'autant plus belle qu'elle tombe à juste, puisque nous sommes vraiment à la fin du minutage qui nous était attribué. C'était Le cinéma des cinéastes. Claude-Jean-Philippe recevait Éric Romer dans une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 mars 1983. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.